un soir qui s'éternise, la nuit qui ne vient pas, et on s'embête, mais comme on est là, on s'entête à forcer nos sourires. Même si tout s'est fané, nos cœurs assoiffés, au ventricule froissé, en quête d'une source, d'une pluie de pollen, d'un printemps, d'une embellie. Et la nuit s'installe comme une mort qui fauche, et on est surpris qu'elle apparaisse enfin comme une gloire qu'on jalouse, qu'elle tienne ses promesses. Ma main recouvrant la tienne, est-ce que je te manquerai quand le vent dispersera mon corps, soufflant bien plus loin que tes yeux ne voient. Là j'attendrai notre embellie.